Sous le soleil des bodegas, sous le soleil des bodegas, tu as de l'apéro, mon gars, sous le soleil. Mm-hmm.